Chapitre 10e. Dès que Pérez aperçut Djedjiga, elle lui glissa en douce. « Toi, ma vieille, va falloir qu'on s'explique. »« Si je veux, » lui répondit brutalement Djedjiga. Le capitaine avait mal choisi son jour. En plus du climat professionnel qui ne lui convenait pas, son lieutenant avait vu la veille au soir ses problèmes familiaux s'accroître. Son frère avait été arrêté par la police de Marignane, excès de vitesse, conduite sans permis, défaut d'assurance. Il ne manquait plus qu'il ait écrasé quelqu'un pour que le tableau soit complet. En signe de bonderie et de mauvaise humeur, Djedjiga ne voulut pas monter à côté de Pérez. Elle laissa sa place au lieutenant Sintes, qui abreuvait son entourage d'histoires drôles plus ou moins salaces dont Djedjiga avait horreur. Ce gars avait une mémoire phénoménale, ne notait jamais rien, et se souvenait en détail de toutes les affaires auxquelles il avait participé depuis qu'il était dans la police. Il était 7h30 et l'équipe prit la direction du Pays Blanc, quartier de villa où habitaient Kahn et Parot. Il vint au-devant de Pérez pour l'accueillir avec un sourire qui disparut bien vite quand il vit tous ceux qui accompagnaient le capitaine. Deux autres voitures arrivèrent et l'équipe de la scientifique commença à déballer ses petites valises. « Vous voyez, monsieur Kahn et Parot, nous n'avons pas tardé à nous occuper de votre maison. Venez, » dit-elle en l'amenant à l'écart. « Il faut que je vous parle pendant que mes collègues opèrent. » Kahn et Parot l'amena dans son bureau et dès qu'ils furent seuls, lui prit la main. « Toute la nuit, j'ai eu votre image devant les yeux. Vous allez me prendre pour un imbécile, mais je suis réellement mordu. »« Ce n'est pas une maladie, Biagio. Ne prenez pas cet air de chien battu, ça ne vous va pas. Restez fier et conquérant, c'est comme cela que vous me plaisez. Ce que j'ai à vous dire est très sérieux. » Kahn et Parot s'assit et le capitaine, tout naturellement, prit place derrière le bureau. « Vous allez déjà commencer par demander à votre employé de maison de venir ici, Dardar. L'équipe technique aura besoin de ses empreintes et de son ADN. S'il refuse, passez-la moi. » Kahn et Parot fut suffisamment convaincant et le capitaine put commencer à parler de choses sérieuses. « Les trois projectiles que nous avons, y compris celui qui a tué Hanzi, proviennent de votre arme, sans contestation possible. Par ailleurs, le labo n'a relevé qu'une seule série d'empreintes. Juste à ce moment, un collègue entra après avoir frappé à la porte. « Excusez-moi, il faut que je prenne les empreintes de M. Kahn et Parot. Ah, et puis je vais prélever un peu d'ADN du monsieur, » dit-il en sortant un coton-tige et un petit tube. « N'oubliez pas Pronzati, » dit Pérez en montrant du doigt le pavillon de l'homme à tout faire. Biagio comprenait bien que les empreintes dont on parlait étaient forcément les siennes, et la vérification n'était qu'une pure formalité de procédure. « J'en étais sûr. Vous me soupçonnez d'avoir assassiné Anzilouti, c'est ignoble. Calmez-vous, Biagio. Les faits sont contre vous, certes, mais notre boulot consiste aussi à nous méfier des conclusions trop évidentes. Nous allons nous battre et chercher. Nous trouverons, n'en doutez pas. » Et se disant, elle posa sa main sous le bras de Biagio et en signe de soutien et d'apaisement. « Je vais être mis en examen ?» demanda-t-il un peu inquiet. « Non, pas tout de suite. Cela dépend du procureur et du juge. Vous comprenez que vous ne devez me cacher aucun détail, aucune information. Tout peut être important. » Kahn et Parot opina et entrelaça nerveusement ses doigts. « Qui peut avoir accès à votre domicile ?» demanda Pérez. « Pronzati, mon homme à tout faire. Il a toutes les clés de la maison. » « Vous vous souvenez du jour où Hanzi est mort ? Où étiez-vous ? Qu'avez-vous fait ce jour-là ? « Je suis allé à la pêche, à Sausset. »« Tout seul ? Eh oui, malheureusement. Berthier n'a pu venir avec moi. »« Et à Sausset, des témoins ont dû vous voir. Vous avez dû parler à des gens, non ?»« Quand je suis arrivé tôt le matin, il n'y avait personne sur le port. »« Et le soir, il commence à faire frais. Le port était désert. »« Des gens ont bien dû vous voir prendre la mer. »« Peut-être. D'une fenêtre ou d'un autre bateau, je ne sais pas. »« Bon. De toute façon, nous ferons une enquête pour vérifier. » « Quand je suis revenu, j'ai porté du poisson à Anna, elle pourra vous le dire. »« Excusez-moi de vous le dire, Biagio, mais devant un juge retors, ce genre de témoignage ne tient pas beaucoup. Il va falloir trouver autre chose. »« Mais qu'est-ce que vous voulez que je trouve, Michel ?»« Nous, Biagio, nous allons trouver autre chose. » Par la fenêtre, Pérez observait Djedjiga aller venir dans le jardin. Que devait-elle fouiner encore ? Dès qu'elle avait vu Pérez entraîner Kahn et Parot dans le bureau, de dépit, elle avait quitté la maison ostensiblement en faisant claquer ses talons. Oula ! Dit Petricula Sintes. Scheherazade va nous faire un œuf d'autruche. C'est la grosse colère, hein ? On dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz. L'équipe s'affaire avec méthode, efficacité et respect de l'occupant. Tous les livres, bibelots, vêtements étaient soigneusement remis à leur place une fois la fouille faite, Cohen, le chef de l'équipe scientifique, vint farfouiller dans la garde-robe de Canet-Paro. « Qu'est-ce que tu cherches, chef ?» demanda Synthèse. « Des vêtements de dessus, pour la saison. »« Ah ?»« Eh oui, gros malin. S'il a tiré, il y a forcément des traces de poudre sur les manches de ses vêtements. On laisse de côté les vestes de costard, car ça m'étonnerait qu'il en ait mis un pour aller dans la campagne. Il nous faut les blousons, les pulls, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des sacs dans la bagnole. »« Ok, chef, j'ai compris. » Cohen demanda à l'employé de maison ce qu'elle avait fait exactement comme tâche ménagère pendant la période du meurtre d'Anzilotti. « Je n'ai pas eu le temps de prendre les poussières, j'ai juste passé l'aspirateur. J'avais du linge à laver et à repasser en retard. »« Donc, vous n'avez ni astiqué ni épousté les meubles. Risque pas, je n'avais pas le temps. » Cohen vint parler à Pérez entre deux relevés. « C'est tout de même bizarre, il n'y a aucune trace d'effraction, ni sur les portes, ni sur les fenêtres. Si un intrus a pénétré dans la maison, c'est certainement sans aucun problème. » Jadjiga avait traversé le jardin et s'était dirigé vers le petit pavillon de Pronzati. Elle n'avait pas besoin des directives du capitaine pour savoir ce qu'il y avait à faire. Pronzati la fit entrer avec timidité et lui proposa un café et un siège. Elle accepta le café mais refusa le siège. Après tout, ce n'était pas une visite de courtoisie. « Monsieur Pronzati, vous vous souvenez de votre emploi du temps le jour de la mort de Monsieur Anzilotti ?»« À peu près, oui. Monsieur Canet-Paro était parti de bonne heure ce matin-là. Il est allé à la pêche et m'a dit qu'il serait de retour vers midi. » Comme je n'avais rien à faire d'urgent, je me suis recouché. J'ai dû me lever un peu avant 10 heures. Après, j'ai rentré les poubelles et je me suis préparé à bouffer. « Vous étiez seul ?»« Seul, toujours, » dit-il tristement. Puis j'ai vu qu'il ne revenait pas. Vers 2 heures de l'après-midi, il m'a appelé pour me dire qu'il ne rentrerait que le soir parce que ça mordait bien. Alors j'en ai profité pour aller faire des courses à Géant, et puis je suis rentré vers 6 heures. Rien d'autre ?« Ah, si !» On a téléphoné pour annoncer la mort d'Anzilotti. Qui a téléphoné? Nadine, la femme d'Anzilotti. Mais pourquoi est-ce qu'elle vous appelait? Elle savait que M. Canet-Paro était absent. Non, elle a appelé chez M. Canet-Paro. Mais quand il est absent, la communication est basculée chez moi. J'ai essayé de le prévenir sur son portable, mais je suis tombé sur son répondeur. Vous avez laissé un message? Oui, mais il ne les écoute jamais. Alors? Alors quoi? Ben, ça ne sert à rien de lui en laisser. Quand il est arrivé, je lui ai appris la nouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tout drôle. Il est devenu blanc et il est tombé sur une chaise. Donc il accusait le coup. Ah, pour ça, oui. Après, il a appelé Anna, parce qu'il l'avait vue avant et qu'elle n'était pas au courant. Pourquoi n'avez-vous pas vous-même appelé Anna? Ce n'était pas à moi de le faire, vous ne croyez pas? Jadjiga finit son café et regarda le fond de sa tasse, songeuse. Personne n'est venu ici ce jour-là? Non. Qui voulez-vous qu'il vienne? Je ne sais pas, moi. Le facteur, par exemple, pourra recommander. Non, le facteur n'est pas venu. Enfin, si. Mais il s'est arrêté à la boîte, au début du chemin, comme d'habitude. Et depuis ce jour-là, il n'est pas venu? Mais non, fit Pronzati intrigué. À moins qu'il soit venu quand je n'étais pas là. Mais je suis presque toujours là. Une seconde après, il réagit. Et puis qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, le facteur? Non, non, rien, éluda Jadjiga. En revenant dans le jardin, elle passa un coup de fil. « Allô ? » ?»« Vous pouvez me trouver tout ce qu'il existe sur un certain Pronzati ?»« Oui, Pronzati, avec un Z. P comme Pauline, R comme Roger. Vous me rappelez ?»« Ok. Merci, c'est sympa. » Elle était un peu plus détendue et contente d'elle-même, surtout satisfaite de l'avoir, elle aussi, jouée perso. Elle pourrait rêver son clou à Pérez quand elle la ramènerait, du haut de 1,75 m. Au fond d'elle-même, Jadjiga sentait bien que son accès de paranoïa n'était pas dû à la situation ambiante, mais surtout à la souffrance qui la rendait acariâtre, irritable, et qu'elle avait de plus en plus de mal à supporter. Pérez vint la rejoindre dans le jardin. « Alors ?» fit Pérez laconique. « Alors quoi ? Tu cherchais des petits cailloux blancs, comme le petit pousset ?» Au lieu de répondre, Jadjiga posa à son tour une question en vous voyant sciemment Pérez en signe de froideur. « Et vous, capitaine, alors ?» Pérez, enfin stratège, se dit qu'il ne fallait pas attaquer la première. Elle répondit calmement, d'un ton neutre. Les gars de la scientifique ont trouvé des traces papillaires sur les meubles, les portes, l'armoire à fusil. Ils ont aussi tenté des prélèvements d'ADN. On va bien voir ce que ça va donner. Et tout cela pour innocenter M. Canet-Paro, bien entendu. Peut-être. En tout cas, tu as tellement envie de le voir en tôle que tu as appelé Volpi. Rien que ça, à ta rescousse. Même si ce d'un fou dans la mouise. Merci, c'était sympa, j'ai apprécié. Qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais très bien. Comme par hasard, Volpi était hier au resto avec sa femme. Il m'a même complimenté sur mes fréquentations. Ça, tu vois, Jejiga, je ne te le pardonnerai pas. Le lieutenant se planta bien en face du capitaine, la tête levée en signe de défi. Alors tu me crois capable d'avoir fait ça, d'avoir cafeté? C'est toute l'opinion que tu as de moi. Mais tu es pourri, Michel, jusqu'à la moelle. Écoute, il n'y avait que deux personnes qui connaissaient mon rendez-vous, Berthaud et toi. Berthaud est au-dessus de tout soupçon. Il a toujours été réglo, il ne reste donc que toi. Je préfère ne pas te répondre. Crois ce que tu veux, je m'en fous. Mais un jour, tu le regretteras. Alors ça voudrait dire que Volpi était là par hasard? Non mais tu te rends compte de ce que tu me demandes de croire? Je ne te demande rien du tout, je te l'ai dit, crois ce que tu veux. Allez, basta, je rentre voir les autres. Eux au moins ils ont de l'estime pour moi. Jejiga réintégra le salon avec une mine longue d'un pan, au bord des larmes. Eh ben, fit Saint-Esse, ça ne va vraiment pas dans le couple. Tu crois qu'elles se gouinent toutes les deux? Demanda Petricoul. Ce serait beau à voir. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, toujours les mêmes fantasmes, hein? Ça te passera avec l'âge, bah. L'équipe de la scientifique n'avait pas tout à fait terminé, mais Pérez décida de rapatrier le central. Alors qu'elle était déjà au volant, Jejiga s'approcha de la portière. Pérez descendit la vitre. Vous n'oubliez rien, capitaine? Demanda le lieutenant. Quoi? Du menton, Jejiga désigna le pavillon de Pronzati. Et celui-là? Fit-elle. Ah oui. Laissez, capitaine, je m'en suis déjà occupé. Vous avez la tête ailleurs. Et sur cette réplique, Jejiga se dirigea vers l'autre véhicule, piloté par le lieutenant Fabregue. Vers 4 heures de l'après-midi, le téléphone retentit. Au rapport, tout le monde dans mon bureau? Demanda Volpi.